cas via de la couleur et c'est ce qu'il faut montrer aux Corses. Dans ma vie j'ai pris des bosses comme Samy en motocross. Ma rime c'est mon briquet, un pyromane sans Flamini. Sans s'il faut j'ai plus de repères comme Arsenal sans Flamini. Plus de chin chin, les vaches pour un fit toi chi. Chin essaie de me la mettre, tu choisiras l'amour ou chichi. La haine c'est dans ma rue, là où les pickpocket by l'époque. Et barge instable comme un petit pocket bike. On a la rage de réussir nous quand on part faire des zics. La banlieue c'est plus la mort mais il est où le parfum des îles. La spie elle vient de la rue, moi je suis pas casanier dans le sang. Le bitume il suit mes pas comme un cavalier dansant. Mon cerveau il voit flou mais tout ça ça ne l'aide pas. Un freestyle pour m'évader comme un détenu quand ça l'aide pas. Ok les frères s'enchaînent avec la plume, le courage parle. La vie un long combat mais les plus faibles se courent pas. Ok j'arrive avec un texte écrit en 10 minutes. Avec le rituel décompose mec ton flow diminue, je te le diminue. Laisse pas malo et dispo prod. Nous on suce personne, pas comme ces mecs qui se disent pas propre. Le rap c'est pas pour toi. Trouve un taf à Castorama, approche-toi pas des barres. Car si mon style te fracasse au ramal, je reste dans ma bulle. La tête sous l'eau, comme leur manodou, on veut percer. Ça bloque la route, alors normal on double, souvent dans le doute. Un Panam C, un Palam 7, y'a pas d'accès, je veux pas clamser. On parle assez, je suis pas lassé, je touche pas la cesse. Moi je reste à Zam comme les pacas de ta mouille. Y'a que des crevards qui me disent sans cesse, pauvre pacas de ta mouille, ouais c'est la merde. Dis au maire qu'on va traumatiser, j'suis le Médici. J'trime et 16, sous le traumatisé, j'foque le 17. Moi j'écoute pas tout ce que les stars disaient, j'protège ma gueule. La vie coûte cher comme les G-Star diesel. Connexion chez Damar, on galère depuis Stama. J'ai la dalle, j'croque le mic et tu dis c'est qui Stama. Del Calife, militaire, double S, dissipé du rituel. On cap noir et S, on tourne en rond dans les ruelles. Pour trouver la rue Saint-Denis dans le deuxième arrondissement, Paris c'est Rennes, avec x15 en agrandissement. On gratte des gros featuring, on joue pas les figurines. On gratte la feuille et l'encre coule comme le jet d'une figurine. Pas hiérarchie, chacun son style, personne n'a couronne. On fait surface, on ouvre même si certaines personnes nous couillonnent. Mon crâne cogite, ça chauffe et ça bouillonne. Au final l'instru est fumé comme du jambon de Bayonne. Ça rayonne, on sauve le rap comme le soldat Ryan. Moi pour l'inspiration, je tease et fume des grosses barres d'aïa. Ça taille à coups de crayon, on se défend avec nos pics. On est abonné au rap et pas à l'aérobic. Entendez-vous par l'IREN, connexion comme la scène. Rendez-vous par email, allô. Oreille, les prods passent crème. Connexion, c'est le délire. Canelson, c'est le délit. Prestations sérieuses, pas comme les petites annonces délit. Entendez-vous, Rennes Paris. Connexion sans coupure. Attendez-vous à rien de pareil. On vient d'une graine, pas d'une bouture. Connexion, c'est le délire. Canelson, c'est le délit. Prestations sérieuses, pas comme les petites annonces délit. On persiste pas pour rien, on vient relever le niveau. À ce qui paraît dans l'ouest, aussi nul les uns que les autres. C'est pour les uns que les pauvres, et pour qu'apprécient tes oreilles. Ouais, ça croche si tu chipotes, il vient te calmer désormais. S'il faut d'escalibris, mate la technique, c'est admirable. Qu'il te faut de l'aide si tu veux t'aider. Ne fais pas style que tu mitrailles. Moi j'ai Louis Rage, des textes qui sonnent et qui sonnent pas. J'm'en bats les couilles et j'lâche, des textes détonnent, j'me questionne. Rappeur de l'ombre, t'inquiète, mais même des armées j'tire. C'est le rituel que l'on s'appelle, Bouddhi Tsulong, demande un mystère. Je suis là arrivé, mais crois pas. J'prends la grosse tête, j'pense à tous, c'est comme mon pote. J'ai les joues creuses et des grosses cernes. En ce qui me concerne, j'ai la motive, t'as fait le constat. L'instru quand on sait, on monte la barre quand y'a trop de poids. J'me contrôle pas quand j'suis rebou, mais quand freestyle. Donc je compte même plus toutes mes soirées dans une bouteille. J'dirais pas que mon rap, c'est du vécu de quartier. Juste la rage de voir chacun de mes frères écartés. Les poumons noirs, les rêves éclatés. On se brûle les doigts à se consumer jusqu'au carton. 23 ans, 6 piges de rap. Là j'ai atteint mon premier carton. Et si j'me rappe, j'attends rien de qui que ce soit. Y'a trop de latence, mais je kick ce son. Si je deviens fou, alors le monde je le quitte ce soir. Sorti de nulle part, toujours à fond. Au nom de toute l'équipe sincère, ici encore, ils sont claquants, c'est lyricistes. Vois l'envie et l'ambition avec laquelle ils résistent. Mets de côté les plaquettes de résine, notre révolution. Grâce à la zé comme Moustaki, on gratte les fuites des connexions. Nous rien à foutre que les Mustaguiches. C'est mal au proche, ma muscapiche. Ça me casse les côtes, en fait je m'en tape, un mouille tapiche. Entendez-vous par l'Irène, connexion comme la crème. Rendez-vous par email, à l'oreille les prods. Pas crème. Connexion, c'est le délire. Canelson, c'est le délit. Prestations sérieuses, pas comme les petites annonces délit. Entendez-vous, Rennes Paris. Connexion sans coupure. Attendez-vous à rien de pareil. On vient d'une graine, pas d'une bouture. Connexion, c'est le délire. Canelson, c'est le délit. Prestation sérieuse, pas comme les petites annonces d'Eli. Encore plongé dans un descente, je suis tombé dans le son sans accessoire. Comme un chien pango au sang, pas me dépenser ça. Idée noire comme pour la fête de la Toussaint. En restant simple, tu sais bien qu'on est tous simples. Pareil qu'un don, on en a tous un. C'est que des rimes qu'on vient tousser. En connexion, c'est l'instru qu'on vient touser. En cracole et le son, encore un feat en collection. Faut qu'on colle ça dans les temps, un peu comme Chronopost. Dans ce milieu, en aucun cas, on te fait des gros mon pote. Crame les étapes, t'en perds tes chromosomes. On rame les stops, on a les crocs et le son. Tous accro au somme, on reste accro ensemble. Tous ces rêves ensemble, faut voir haut. Mais il me semble que l'un de s'élève. Les portes sont scellées, à coup de pipi, je vais les fêler. Aucun prestige à jouer le fêlé. On s'empresse depuis des piges, impossible de nous freiner. Je débarque comme un cheveu sur la soupe, ça peut à la simple. Avec l'équipe on fait du son jusqu'à en saturer l'enceinte. Le rap une religion où Satan a tué la sainte. C'est pour ça que je kick la 4 avant de ceinturer la 5. La zik analyse et nous touche tous sans exception. Si je dois canner drogué, ma seule OD sera l'exception. Entouré de 7 sonars, tout comme je le suis, on fait de cette connexion là un kiff sans jalousie. Et j'hallucine quand certains en ressentent, car si chez nous c'est l'usine, c'est pour tous qu'on représente. Mais des éléments perturbateurs viennent parasiter les mentalités douteuses qui finissent par hésiter. Et je parais si détendu, mais dans mon corps ça chauffe. Trop de blabla et de regards qui m'écœurent, ça chauffe de haut de verre. Fais la différence entre la main qui check et celle vraiment tendue vers toi. Là s'il faut en clôture et y'a pas de coup de rafale. De mandat noir, trop de vie que les balles en rafale gâche. Faut en profiter avant d'être au service gériatrie. Et dis-toi que pour survivre, les jeunes du Nigeria trim. Bouge ton cul et dis-toi que même Olivier Besançon boss. La gloire, peu de chance que tu la croises comme on repense nos bords. Pas de vacances et pas réo, la barre est haute, ça crampe. Imposer ça paraît hausse, trop de rime cocon sacrophage. Comme Shilom on confectionne des 16 quand c'est schlagata. Calique Mister Patrick en top comme chez Agatha. Crois pas que c'est bandicose, fort toi tu recherches dans le dico. L'inspiration pour tes rimes, trop usé comme Anticole. C'est trop de poids sur les épaules comme en haltérophilie. Pour repunch à mes rimes, sans c'est j'alterne au feeling. Demande à dissiper, sorti de nulle part. Reste des rimes en stock, je le parierai. Connexion Paris-Rennes.